battements cardiaques suspendus, mais sans aucun risque d'infarctus. Vous écoutez Pop-Up, émission souterraine d'où peut ressurgir à tout moment un ultra classique. Tenez-vous prêt, d'autant plus qu'Ottavio est un spécialiste en la matière. me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Fez o tudo virar nada e vice-versa. Foi submersa. A azeitona na empada que era eu. Você é a dona do caroço da azeitona da empada que comeu. Você me apareceu. Fez o nada virar tudo. Me deixou mudo de tanta manha. Cê me acanha, minha estranha. É um prazer de que sempre padeço. É do fim, começo e reconheço que o avesso sempre esteve aqui. Minha estranha é o engano de minha certeza. É o insano que há na beleza. A tristeza que me faz sorrir. Você me apareceu, fez o tudo virar nada. talk about African rhythm, we are talking about the power, the vibration, and the forces. African music is music that moves you and me because it's full of rhythm. Pour le pop-up du jour. Merci à Ottavio, qui faisait office de gentil organisateur de platine et génial arrangeur de son. Prenez soin de vous. Ciao. I want to take you to a little tree. Couleur 3, 21h. RTS Info, Virginie Langeroc. Et c'est le statu quo. Le Conseil fédéral maintient les mesures en vigueur pour lutter contre le coronavirus. Il l'a annoncé cet après-midi à Berne, en marge de sa première séance de rentrée. Les masques restent donc de vigueur dans les grands événements et dans les transports publics. Enfin, les tests de dépistage seront bientôt payants pour les personnes asymptomatiques. Des mesures qui sont soumises à consultation jusqu'au 25 août. Oui à la neutralité carbone en 2050, mais sans pour autant interdire toute énergie fossile. C'est en tout cas ce qu'a proposé le Conseil fédéral aujourd'hui en guise de contre-projet à l'initiative pour les glaciers. Cette initiative propose, elle, d'interdire les combustibles fossiles dès 2050. Jusqu'en 2050. Le gouvernement estime qu'il faut tenir compte des régions périphériques et ne pas totalement interdire l'essence, le gaz ou le mazout. Une tentative de compromis qui sera donc soumise à votation, tout comme l'initiative. Aucune date n'est encore agendée pour ces votations. Le maire de Lugano, Marco Boradori, est subitement décédé ce soir, peu après 18h. Âgé de 62 ans, il avait été hospitalisé hier, en début d'après-midi, après un arrêt cardiaque, alors qu'il faisait de la course à pied. Avant de devenir maire de Lugano, Marco Boradori a siégé au Conseil national, puis au Conseil d'État du Tessin, où il a siégé 18 ans et accompagné de nombreux projets pour développer le canton. Le Conseil fédéral renforce ses sanctions contre la Biélorussie. Il s'agit par exemple d'un embargo pour les produits qui pourraient servir à la surveillance ou à l'interception d'Internet ou de communications téléphoniques. Avec ces nouvelles sanctions, la Suisse s'aligne sur les différentes décisions prises en juin par l'Union européenne. Berne se redit très préoccupée par la dégradation de la situation des droits de l'homme en Biélorussie. L'ancien président soudanais Omar el-Béchir sera transféré dès demain à la Cour pénale internationale à La Haye. Il est actuellement détenu à Khartoum. Omar el-Béchir a été renversé en avril 2019 après plusieurs mois de contestation. Il est accusé de génocide et de crimes contre l'humanité lors du conflit au Darfour. Un conflit qui avait fait 300 000 morts et près de 2,5 millions de déplacés à partir de 2003. 95 millions d'euros, c'est le montant que la compagnie pétrolière Shell accepte de payer aux communautés du Nigeria, des communautés victimes d'une vaste pollution aux hydrocarbures. Les terres de plusieurs villages avaient été ravagées par des fuites de pétrole de plusieurs oléoducs. C'était dans les années 70, le jugement a pris des années. Shell a finalement été condamné cet hiver et a donc réglé ce montant. Aujourd'hui, la multinationale avait jusqu'ici toujours attribué la pollution à du sabotage et assuré avoir nettoyé les lieux. Demain, encore un temps chaud, il y aura beaucoup de soleil. Dans la soirée et dans la nuit, des orages isolés pourraient éclater et être localement forts. Il fera donc chaud jusqu'à 30 degrés, voire 33 degrés. as long as I may live. Le mix d'Aldo. Aldo Capone au platine. le mix de Déconnecté. Your love.